Alors bonsoir. Je sens que ça va être laborieux parce que c'est encore pas bien clair dans ma tête. Je suis toujours en traitement psychanalytique depuis à peu près 20, c'est ma 23e année là. Au fait, mon psychanalyste vous donne à tous bien le bonjour. Il va bien, ses affaires sont prospères. J'y suis certainement pour quelque chose. Mais je voulais vous parler de ça parce que quand même, il y a une certaine confusion depuis 2 ans qui s'est installée. À un tel point que mes amis trouvaient que j'étais un peu un genre capitaine bonhomme, un menteur, voire même les meilleurs amis me disaient que j'avais le sens de l'exagération très développé. D'autres disaient quasiment que j'étais schizophrène ou à tendance schizoïque, etc. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis en thérapie en ce moment auprès de mon psychanalyste et c'est mes amis qui m'ont recommandé cette thérapie-là parce qu'ils sont aperçus que j'exagérais toujours les dates, les nombres, etc. Ils me l'ont fait remarquer, c'est vrai, dans le fond. Je vous ai déjà fait savoir que j'avais 12 enfants, alors qu'en réalité, j'en ai que 4. Pourquoi est-ce que je disais 12? Je vous ai déjà dit que j'étais marié depuis 30 ans, alors qu'en réalité, je le suis à peine depuis 10 ans. Et j'ai même déjà dit que j'avais 84 ans, alors que j'en ai 43. Alors ça a sonné un alarme quelque part, ça. Puis j'étais voir mon psychanalyste. Et il a fait un maudit beau travail. Enfin, façon de parler, parce qu'il fait rien, lui, il regarde dehors dans la cour du collège de jeunes filles, et puis je parle pendant des heures, et lui, il dessine, il fait des petits dessins, c'est tout. Mais toujours est-il qu'on en est arrivé, au bout du compte, à trouver l'origine de ce problème chez moi, et ça remonte à il y a 2 ans, lorsque je me suis prêté à une séance de régression d'âge. Vous savez, les régressions dans les vies antérieures au Salon des sciences occultes. C'est là qu'ont commencé mes problèmes. La régression dans les vies antérieures, elle a très bien fonctionné. Je suis retourné dans ma dernière vie, c'était dans les années 1500 et des poussières. Et en fait, j'étais bijoutier, horloger. Je m'intéressais à la mécanique de précision dans une ville de France qui s'appelait Tolose à l'époque, qui est devenue Toulouse. Et j'ai même vu ma petite maison avec les poutres apparentes, une maison en briques roses avec une petite ruelle, avec un caniveau, etc. C'était splendide, j'ai vu tout ça. Mais je me suis vu donc là, dans cette époque-là, dans les années 1500, à l'âge de 41 ans, et avec une famille de 8 enfants et marié depuis 20 ans. Vous comprenez? J'ai pas pu effacer cette mémoire-là quand je suis revenu. Il y a quelque chose qui a pas marché. Fait que dans ma tête, j'ai toujours vécu ces deux vies-là parallèlement. Puis de là vient toute la confusion, alors je m'en excuse. Maintenant, je suis totalement guéri, il n'y a plus aucun problème. D'ailleurs, je suis là ce soir pour tout à fait autre chose, ça n'a plus aucun rapport. Je suis là pour vous présenter un homme avec lequel je travaille depuis 15 ans. C'est un maître joaillier dans la taille du diamant, c'est un expert, c'est un orfèvre en la matière, monsieur Bernard de Montréal. Oh, on l'attend à gauche, il arrive à droite. Bonsoir ça bien, Bernard. Ça a bien été en France? Ah, ça a bien été, oui. Les Français sont très réceptifs au matériel, à part que le mot supramental, ils ignorent totalement son origine ou ce que ça veut dire. Le double éthérique, ils n'ont jamais entendu parler de ça. C'est d'un très haut niveau de spiritualité et ils attendaient que quelque chose les déplafonne. Alors, mission accomplie, ça c'est fait. On y retourne au mois d'octobre. Avez-vous d'autres questions? Non, non. Bien, on est là pour parler de réincarnation. Alors, d'abord, je veux voir quel crédit peut avoir cette théorie de réincarnation, à vos yeux. On sait que la théorie de la réincarnation a été soutenue depuis des millénaires par diverses religions, par différents métaphysiciens ou philosophes ou religieux.